Pour féliciter les succès du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, le journal vénézuélien VIA du 21 mai a inséré un article qui indique « Au 7e congrès du Parti du Travail de Corée, selon les volontés et vœux unanimes de tous les militants du parti, de tous les militaires de l'armée populaire et de tout le peuple coréen, le maréchal Kim Jong-un est élu président du Parti du Travail de Corée. Il est le dirigeant suprême du peuple coréen qui manifeste dans tout l'univers la dignité et la puissance de la nation Kim Il-sung et de la Corée Kim Jong-il par ses éminentes idéologies, sa direction chevronnée et sa noble vertu. »